D'une manière générale, quand on entre dans une agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Dans ce cas, et dans cette rue seulement, la vitesse est relevée à 70 km/h. Le panneau est alors implanté quelques mètres plus loin. C'est justifié par le fait qu'il y a peu d'habitations aux alentours, mais dès que la ville sera plus présente, un panneau indiquera une nouvelle limitation de vitesse inférieure, 50 normalement. Réponse B et C.